Audiomatique. En ouverture de la transmission 182 d'Audiomatique, le projet Goldie nous offrait une version électro de la pièce Swallowed, originellement composée par le groupe de rock alternatif Bush X, aussi connu sous le nom de Bush tout simplement. La version Toasted on Both Sides mix que nous avons entendu paraît sur la trame sonore du film The Jackal et peut également se trouver sur l'album Deconstructed qui regroupe une série de pièces de Bush remixées par différents artistes de la scène électro. Parfois, on ne sait jamais trop pourquoi, mais on n'arrive pas à comprendre ce qui se trame dans les recoins de notre esprit et encore moins dans cet endroit intérieur qui semble exister seulement lorsque notre poitrine se serre ou que nos mains deviennent moites. Il est vrai qu'à l'occasion, on préfère ne pas comprendre. On souhaite laisser le hasard mettre de l'ordre dans ce tumulte qui, de toute façon, est rarement visible à l'œil nu. Et même si, sincèrement, on voulait saisir la signification profonde de ces dérèglements qui nous assaillent, l'entreprise nous semble trop souvent inutile puisqu'à la base, nous sommes incapables de définir l'essentiel, c'est-à-dire de découvrir la cause réelle de ce qui empoisonne nos pensées et nos émotions. On a beau chercher les mots pour expliquer, on reste muet face à ce mystère qui devient doucement la trame de fond de ce qui nous apparaît comme étant le reste de notre vie. Et parfois, on ne sait jamais trop pourquoi. Mais une mélodie passe, une voix se fait harmonie avec des mots qui ne sont pas nôtres et soudainement, on se reconnaît. We'll be right back. À Audiomatique, vous avez peut-être reconnu la voix du chanteur américain David Byrne alors qu'il faisait partie de la formation culte Talking Heads. Elle nous interprétait, cette formation, la chanson « Girlfriend is Better » de leur cinquième album « Speaking in Tongues » paru en 1983. Le groupe a existé de 1974 à 1991 et depuis, Chris Franz, le batteur, et son épouse Tina Weymouth, la bassiste, ont continué à créer musicalement en tant que Tom Tom Club. David Byrne, quant à lui, fait carrière solo. Il a d'ailleurs fait paraître un tout nouvel album le 9 mars dernier, intitulé « American Utopia ». Le 12 septembre 2018, il sera de passage au Théâtre du Centre Bell pour justement nous présenter ses nouvelles compositions. Précédemment à Talking Heads, il s'agissait du groupe canadien King Cobb Steely et leur composition Functions and Relations de leur troisième album Junior Relaxer. Et pour débuter, on avait droit à la chanteuse française Camille qui nous offrait Pour que l'amour me quitte de son deuxième album Le Fil, qui est en fait un album concept construit autour de la note Si que l'on entend en continu du début à la fin, et les différentes chansons qui composent l'album s'insèrent une à la suite des autres et sont musicalement articulées autour de la voix humaine qui est exploitée au niveau des harmonies et des rythmes. Seule la contrebasse et le clavier viennent sporadiquement appuyer les arrangements vocaux. C'est maintenant le projet S-Dana qui nous transporte vers d'autres horizons sonores. Thank you. À Audiomatic, la séquence de deux pièces se terminait sur la musique de la formation Eat Static, de qui nous écoutions la pièce Pearl of Wisdom, apparaissant sur l'album Back to Earth, paru en 2008. Et avant Eat Static, c'était le projet S. Dana de l'artiste français Vincent Villuis. Nous entendions la pièce The Meeting Point qui se trouve sur son album Pollen, paru en 2012. Vous êtes bel et bien à Audiomatic en compagnie des électronistes et cette fois de Lady Tron. Listen, listen, listen. Nous venons tout juste d'entendre à Audiomatic le duo français Air avec la chanson Sex Born Poison, à laquelle participe la formation japonaise Buffalo Daughter. Cette pièce est tirée du deuxième album de Air, 10,000 Hertz Legend. Nous avons également présenté le groupe allemand Lalipuna et leur chanson Alienation, remixée ici par Ilias, le pseudonyme de Brandon Whitney, qui est malheureusement décédé subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 41 ans le 30 mars dernier. Cette version apparaît sur l'album de Lalipuna I Thought I Was Over That, Rare Remixed and B-Sides, mais aussi sur l'album de Elias, Collected Remixes. La version originale, quant à elle, est parue sur le troisième album studio de Lalipuna, Faking the Books. Et le groupe Ladytron amorçait la séquence avec White Light Generator de leur album Witching Hour. Ladytron fera paraître sous peu un nouvel album après plus de 7 ans d'absence sur disque grâce au site de sociofinancement Pledge Music. La formation Client se chargera de mettre un terme à cette transmission 182 d'Audiomatic grâce à sa pièce Quarantine tirée de son plus récent album Authority sorti en 2014. Ce sera mercredi prochain dès 17h que les électronistes vous retrouveront à Audiomatic pour la transmission 183. D'ici là, nous sommes disponibles un peu partout sur Internet et quand nous disons disponibles, nous parlons de la disponibilité des émissions passées pour écoute en balado diffusion et quand nous mentionnons un peu partout sur Internet, nous voulons principalement dire sur facebook.com/audiomatic-cfou et sur mixcloud.com/audiomatic. Pour les curieux, nous sommes également sur Tumblr et archive.org. Voici donc la formation Client et la pièce Quarantine. C'était Audiomatic avec les électronistes.